C'est fait la toi qui es de ton côté, tu as bien traversé le temps. Oh, no. qu'est-ce que je vais prendre comme texte? Chercher un truc, hein.